C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Grosse nouvelle dans le monde de la TV, ça s'est déroulé lundi. Sportsnet qui a décidé, et Rogers, de congédier Don Cherry suite à ses propos de Coach Corner samedi soir où il s'en est pris un petit peu aux immigrants. Et évidemment, au Canada anglais, c'est quoi la réaction au Québec? La plupart sont unanimes, qui sont très heureux du congédiement. On en parle avec Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton. Salut Patrick! Salut Annie. Patrick, les réactions au Canada anglais du congédiement de Don Cherry, moi je les vois un petit peu passer sur Twitter, ça fait pas l'unanimité loin de là, puis il y a même eu une pétition, je pense, qui a été lancée. Oui, une pétition, je pense qu'aux dernières heures, là, on était presque à 200 000 personnes qui avaient signé cette pétition-là. Bon, est-ce que c'est des gens qui croient vraiment ou qui la signent pour le plaisir? Il y a des gens qui sont vraiment fâchés de le voir parce que Don Cherry, c'est une institution, dans le fond, surtout au Canada anglais. Il avait déjà été choisi là, parmi, je pense, les 100 plus grands Canadiens, quelque chose comme ça. C'est sûr que ça dérange certaines personnes, mais en même temps, je pense que c'est partagé parce qu'il y en a qui comprennent que ce qu'il a dit, ben, c'est des choses qu'on peut plus dire quand on a un micro, que ce soit à la télé, à la radio, quand on est sur une plateforme publique. Donc, c'est un peu partagé. C'est certain que ça va changer l'image de la soirée du hockey, de Hockey Night in Canada, parce que il y a des gens qui, et ça on l'entend souvent, là, qui allaient chercher une bière en fin de première période pour pas manquer le coach's corner plutôt que de se lever une fois que la période était finie pour pas manquer le match. Donc, c'était un aspect important de Hockey Night in Canada, mais je pense que s'il ne revenait pas, ces 200 000 personnes-là vont quand même continuer d'écouter le hockey, puis vont pouvoir se remettre de son départ sans trop de problèmes. Est-ce vrai que j'écoutais les journalistes québécois qui disaient que apparemment que quand il allait à Toronto, tout le monde, les journalistes québécois s'assoyaient, allaient chercher une bière, allaient chercher un café, allaient chercher quelque chose dans les restaurants, puis les journalistes anglophones, eux, allaient voir Cody's Corner. Ça, je sais pas. Moi, je l'ai pas vécu personnellement. Je sais qu'en Ontario, il était vraiment très connu, très très apprécié, peut-être encore plus que dans l'Ouest. Si je me trompe pas, aussi, il y a eu un événement qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a eu un rallye qui a été organisé en soutien pour Don Cherry en Ontario. Je pense qu'il sait que les gens en français sont pas des grands fans de lui. Puis je pense que ça l'a vraiment jamais dérangé non plus, donc ça l'insultait probablement pas s'il avait connaissance que des gens quittaient pendant qu'il était en train de parler. Non? Mais Patrick, es-tu d'accord avec moi, puis on va parler des Oilers après? Moi, je pense que c'est bien plus une question financière qu'une question de comportement, parce qu'à quelque part, il faisait 750 000 $ par année, on estime son contrat, et tout le monde sait que Rogers perd de l'argent avec Sportsnet, perd de l'argent avec le contrat de la Ligue nationale. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est juste un prétexte dans le film? C'est peut-être un prétexte. C'est vrai que Sportsnet a de la difficulté. Pendant l'été, il y a des gens comme John Shannon qui ont été coupés, plusieurs autres aussi là, qui étaient régulièrement sur les différents panels. Donc, on les a pas remplacés. Donc, ces gens-là, ils ont été remerciés parce qu'on voulait épargner de l'argent. On en épargne beaucoup plus avec le départ de Don Cherry. Sauf qu'il rapportait de l'argent aussi. Son segment était commandité. Donc, c'est quoi la différence? Je pense pas qu'on va sauver directement 750 000, mais oui, il y a probablement une économie qui va être faite du côté de Sportsnet. Ça permet de changer aussi la dynamique, peut-être de le rajeunir. Il y en a qui parlent d'amener une femme là, il y en a qui parlent d'amener un ancien joueur. La porte est ouverte et je pense pas que c'est dès samedi qu'on va avoir la réponse. Là. J'ai l'impression que Sportsnet, si s'ils sont le moindrement, j'oserais dire brillants, ils vont attendre un petit peu, parce que samedi, il y a beaucoup de gens qui vont regarder comment on a remplacé Don Cherry. Donc, si c'est pas la solution permanente tout de suite samedi, mais ces gens-là vont être de retour samedi prochain encore pour aller voir ça aussi. Ouais. Donc, au niveau de la publicité, au niveau d'attirer des gens pour regarder ce qu'on fait, ben c'est peut-être une bonne idée de Sportsnet d'attendre un petit peu avant de nommer un remplaçant, mais en même temps, il faut trouver le bon timing parce qu'on peut pas attendre trop longtemps non plus. Je pense que si on dit on va attendre après Noël, c'est peut-être un peu trop loin. C'est un défi intéressant, Sportsnet, et oui, en même temps, ils ont maintenant un petit peu de budget peut-être pour se payer un remplaçant parce qu'ils vont économiser énormément d'argent. OK. On va parler des Oilers d'Edmonton. Ils sont premiers dans la division Pacifique. C'est une énigmatique, Patrick, on s'est connus parce que justement à cause de ça, les Oilers d'Edmonton, ça fait longtemps qu'on attend le succès, qu'on attend la... Peut-être même la Coupe Stanley, parce qu'ils ont tellement eu de premiers choix qu'on comprenait pas que le Jello ne pognait pas. Cette année, est-ce que 12, 6 et 2, est-ce qu'on peut dire que le Jello est pogné pour vrai, là? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Puis si tu demandais à tous les partisans des Oilers, ils te répondraient la même chose. Les gens sont contents, mais c'est pas tout le monde qui est dans le train des Oilers encore. Les gens ont un pied dans le train, un pied à l'extérieur, prêt à sauter si jamais ça va pas bien. Et on le sent un petit peu hein, hier. L'équipe a perdu 6-3 sans oser. Et là aujourd'hui, ben c'est comme ok, c'est les bons vieux Oilers qu'on retrouve. Ça prend pas grand chose. Si l'équipe gagne jeudi contre le Colorado à domicile, ben là, les gens vont recommencer. Mais les gens ont été patients. Les supporters d'Edmonton ont été tellement patients pendant des années parce que il y a beaucoup d'autres marchés dans la Ligue nationale où on aurait vu des baisses de spectateurs. Ouais. On aurait vu les gens lâcher l'équipe. Et pourtant, à Edmonton, les gens ont été fidèles. C'est la première fois qu'on a, cette saison-là, une baisse marquée du nombre d'abonnements de saison parce que sinon, on jouait toujours comme dans un aréna rempli. Le propriétaire n'a jamais perdu d'argent au cours des dernières années avec son équipe, malgré les insuccès. Mais là, cette année, ça va être un peu plus difficile si la situation ne se replace pas au niveau des spectateurs. Parce qu'on joue des fois, il y a 3, 4, 5 000 sièges de vide à l'aréna. Ça, c'est du jamais vu ici. Les gens attendent. On est au cœur de la saison. Les Oilers sont toujours en première place. Donc, je pense que les gens, il y en a qui commencent à y croire un peu plus. On va voir d'ici Noël comment les choses vont se passer. Puis là, peut-être que là, si les Oilers prouvent vraiment que le Jello est pris, ben là, les gens vont se remettre à y croire un peu plus. Souvent, on dit que c'est à l'action de grâce américaine, qu'on a une bonne idée de si les équipes vont faire les séries ou pas. Je pense que là, les Oilers seraient en bonne position, mais il va falloir attendre pour voir parce que la parité est tellement là dans la Ligue que tout peut se passer. Là, une séquence de 4 défaites de suite, puis hop, tout d'un coup, tu n'es plus dans le portrait pour les séries. Mais Patrick, tu parles de 3-4 000 personnes de moins, mais c'est pas nouveau. Là. C'est partout dans le sport professionnel en Amérique du Nord. Là, une baisse d'assistance considérable. Là. C'est vrai, c'est une tendance avec... On aime beaucoup blâmer les milléniaux pour ça, là, de dire que c'est des gens qui veulent pas se rendre aux événements, qui veulent pas payer pour y aller. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a l'économie albertaine qui est pas à son meilleur dernièrement non plus. N'empêche que ça semble être une réaction aussi de plusieurs détenteurs de billets de saison. Écoutez, il y avait une liste d'attente là, depuis 2006, depuis l'avant-dernière participation série des Oilers. Il y a beaucoup de gens qui avaient mis leur nom sur des listes d'attente et qui ne réussissaient pas à avoir des billets. Maintenant, on en offre des billets. On dit qu'il y a jusqu'à 5 000 détenteurs d'abonnement de saison qui n'auraient pas renouvelé cette année. Ça, c'est énorme. Ça, c'est le marché principal des Oilers. C'est avec eux qui font leur argent. Donc, il y a un manque à gagner à ce niveau-là. Il va falloir être créatif pour aller pour régler cette situation-là. Je pense pas qu'on va réussir à aller rechercher ces gens-là comme détenteurs d'abonnements, mais il va falloir vendre les billets pour chacun des matchs. Puis ça, on semble avoir de la misère à le faire parce qu'on n'est pas habitué. On n'a jamais eu à écouler des billets pour des matchs à Edmonton parce que c'était toujours rempli. Mais Patrick, est-ce que le fait que les Oilers, on est allé chez Ken Holland qui a fait ses preuves avec les Red Wings étroits, on est allé chez Dave Tippett, que moi je considère un très bon entraîneur, Dave Tippett, là. Tu sais, il était avec les Coyotes de Phoenix. Il a fait du très bon travail dans des conditions pas faciles, on va se le dire. Là. Est-ce que c'est la fin du Country Club? Parce qu'on a souvent dit à Edmonton, il y avait un Country Club. Est-ce que ça... Ouais, le country club est de moins en moins là. Les boy and a boss, là. Craig McTavish est parti cet été. Il reste Kevin Lowe, mais Kevin Lowe est de moins en moins impliqué au niveau hockey. Wayne Gretzky est là aussi, mais pas très impliqué au niveau hockey. Je suis certain que si on avait à échanger Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl ou même Connor McDavid, on passerait par Kevin Lowe et Wayne Gretzky avant d'effectuer quelque chose comme ça. Mais si on décide d'échanger Alexis Chiasson demain, ces bonhommes-là n'auront pas leur mot à dire nécessairement. Donc, avec Ken Holland, oui, il y a un nouveau virage. Avec Dave Tippett, il y a un nouveau virage sur la glace aussi. Si on le voit, c'est bien. Et ces gars-là sont en train de prouver que c'est peut-être ça que ça prenait à Edmonton, effectivement, là, une nouvelle philosophie. Et on voit que ça marche bien jusqu'à maintenant. Est-ce que, après ça, on va parler des Eskimos. Dernière question, c'est les Oilers. Je regarde, il y a quand même un système d'alternance entre Koskinen et Mike Smith. Puis là, je regarde les fiches sont quand même bonnes. 928 pour Koskinen, le pourcentage d'arrêt. Smith, 913, moins de 2,58. Donc, c'est des chiffres très acceptables. Mais il me semble que je serais pas confortable de rentrer en série avec ces deux gardiens de but, là. Est-ce que je me trompe? Koskinen a connu un super bon début de saison l'an passé. Hein. C'est Talbot qui a commencé, puis quand Talbot a eu un peu de difficulté, on a envoyé Koskinen, et Koskinen lui a tout de suite ravi le poste de numéro 1. Quand on lui a offert un contrat, et à partir de là, c'est là que ça s'est mis à moins bien aller pour lui, puis là, on s'est mis à douter. Koskinen, il est bon quand il se fait pousser, quand il y a de la compétition, quand il n'y a pas besoin de jouer à tous les soirs. Il arrive de la Russie, et en Russie, ben on sait, dans le KHL, les équipes jouent moins souvent que dans la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça que c'était un des meilleurs gardiens là-bas. Ici, c'est ce qu'on a constaté, je pense, à Edmonton, c'est qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui le tient toujours sur la pointe de ses pieds. Il a besoin d'être reposé à l'occasion. Et à date, la formule semble bien marcher. Écoute, il n'y a personne qui aurait dit au début de la saison que les Oilers auraient un des meilleurs duos de gardiens de but. Les gens les classaient dans 25e à 31e dans la Ligue, là, et plus proche de 30-31e même. Donc ça, c'est une des belles surprises, mais on voit que quand les gardiens connaissent une mauvaise soirée, ça fait deux fois que Mike Smith connaît des mauvaises soirées, ça a été le cas hier, ben l'équipe de la difficulté à s'en remettre. Donc, beaucoup des victoires des Oilers cette année, c'est le travail des gardiens de but qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi à remporter les matchs. Tant mieux si les deux réussissent à se pousser comme ça. Ça donne quelque chose qu'à Edmonton, on n'a pas eu depuis longtemps. Mais je pense que si on continue comme ça, si les Oilers réussissent à se rendre en séries éliminatoires avec les deux gardiens, je pense pas qu'ils vont être gênés d'entrer en série avec les autres, et que le système d'alternance va probablement se poursuivre en série, parce que c'est ce qui va les avoir amenés là. Il me reste deux points, je veux te parler des Eskimos rapidement et de soccer, parce qu'on parle d'une équipe à Québec. Les Eskimos, je sais que tu étais au match. Hier, j'ai parlé avec Enoch Mwamba des Alouettes. J'ai fait une entrevue pour le bilan des Alouettes, et j'ai posé la question. Écoute, l'histoire du match, c'est Trevor Harris. Trevor Harris est extraordinaire, là. Trevor Harris est toujours motivé contre les Alouettes. Hein? C'est la troisième fois. Je pense qu'il y a un match de 400 verges. Les trois fois, c'est contre les Alouettes. Mais faut-tu donner crédit à la ligne à l'attaque ou à Trevor Harris? Trevor Harris lui-même était très motivé, sentait qu'il y avait quelque chose à prouver. Je pense que la ligne à l'attaque a fait aussi de l'excellent travail. Il a été bien protégé. Je pense que Harris, ce qu'il a réussi à bien faire, c'est de déjouer les secondaires de Montréal. Il allait court, il allait très long, il allait rarement dans le milieu, et il a pu profiter du manque de couverture là, de la part des Alouettes en défense. Je pense qu'on avait trouvé une faille du côté des Eskimos dans la défense des Alouettes, et c'est ce qui a fait en sorte que Harris a été si dominant. Mais malgré le fait qu'il a été aussi dominant, les Alouettes sont restés dans le match jusqu'à la toute fin. Là. À la mi-temps, c'était très, très serré. Les Eskimos ont pris ont eu une petite marge de manœuvre au troisième quart, mais les Alouettes sont revenus. Puis si c'était pas des interceptions à la fin sur des jeux où Adams était un peu désespéré, les Alouettes auraient bien pu revenir dans le match. Donc, c'est un avertissement pour les Eskimos. Ça dit, même si on domine à l'attaque, même si Harris est de retour en pleine forme, parce qu'il semble être en pleine forme, la défense va devoir faire le travail. La défense a pas mal joué. Les unités spéciales ont accordé un toucher sur un retour. Ça, eux-mêmes se sont tapés sur les doigts beaucoup après le match. Mais ce qu'il faut retenir de ce match-là, moi, je pense, c'est la discipline du côté des Esquimaux. Les Esquimaux qui ont été de loin l'équipe la plus punie cette année dans la Ligue. Là, ils ont écopé seulement, je pense, c'est 3 punitions au cours du match. Donc, ça, c'est exceptionnel. 30 verges de pertes sur des punitions, c'est du jamais vu pour les Esquimaux qui perdent régulièrement plus de 100 verges pendant un match. Là. Et ça peut faire une grosse différence sur ton série éliminatoire. Mais Patrick, est-ce que... parce que les Esquimaux, en deuxième moitié de saison, ça a été très difficile. Je pense qu'ils ont gagné 2 matchs. Donc, moi, c'est pour ça que je favorisais les Alouettes. Mais est-ce que contre Hamilton, ça va être... ce sera vraiment pas facile. Les Tiger Cats, c'est la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football. Là. Bon, les Tiger Cats, ils perdent pas la maison. Il y en a qui vont dire qu'ils sont dus. Ils sont dus pour en perdre une. Les Esquimaux ont rien à perdre. Hein. Ils se présentent là. Même s'ils perdaient le match, les Esquimaux pourraient dire « Hey, on en a gagné une. On a réussi à remonter puis on a bien terminé. » Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Les Esquimaux sont vraiment affamés. Je vais être honnête, je les ai rarement vus comme ça. Je pense que on avait l'impression pendant l'année que Jason Moss avait perdu son vestiaire, qu'il n'y avait plus la confiance des joueurs. Mais là, j'ai senti en fin de semaine que tout le monde écoutait vraiment son message, qu'on était derrière lui, qu'on était fiers de jouer pour lui. J'ai eu la chance d'être à pas loin du vestiaire pour entendre le discours d'après-match de Jason Moss. Là. Beaucoup de mots qu'on peut pas répéter à la radio. Mais il y avait une... J'ai senti les joueurs très enjoués. Je vais aller à l'entraînement demain. J'ai hâte de voir si ça va continuer de se répercuter comme ça. Mais j'ai l'impression que pour une des rares fois cette saison, les Esquimaux jouent ensemble, jouent en équipe. Ils veulent prouver quelque chose en équipe parce que ça a été très difficile cette année. Je pense que si Trevor Harris avait été là toute la saison, ça aurait peut-être été un peu différent. Ouais. Mais les Esquimaux, il faut se rappeler quand même qu'ils n'ont pas été déclassés si souvent. Ils n'ont pas une fiche victorieuse, mais la plupart du temps, restaient dans le match quand même, malgré l'absence d'Harris et la présence de Kilgore comme carrière. Il me reste... est-ce que tu penses que Kerry Jones pourrait se ramasser à Vancouver? Parce que là, il vient de Vancouver, il demeure à Vancouver, et les Alouettes, il est sans contrôle actuellement, puis les Lions cherchent un entraîneur. Est-ce que tu penses que ça... Il n'y a aucune rumeur, là, mais c'est moi qui sors, mais penses-tu qu'il pourrait être un candidat sérieux avec les Lions? Bon, je pense que s'il avait le choix, il resterait à Montréal. Puis je pense qu'à Montréal, on veut garder Kerry Jones aussi. Peut-être qu'il y a une question d'argent. Des fois, les Lions ont pas peur de sortir leur portefeuille. Ouais. On l'a vu avec Mike Riley l'an passé. Il pourrait y avoir de l'intérêt là, mais je pense que les Alouettes sont intéressés de le garder parce qu'il a fait de l'excellent travail. Lui a commencé quelque chose, donc va sûrement être intéressé à le poursuivre. Mais bon, c'est sûr qu'il s'est fait un nom parce que la banque de candidats comme entraîneur-chef dans la Ligue canadienne de football n'est pas très grande. Hein. On parlait durant la saison d'un congédiement possible de Jason Moss, mais les gens disaient on peut pas le congédier, il n'y a personne pour le remplacer. Il n'y a pas de nom. Au hockey, on parle souvent d'un entraîneur qui a été congédié et qui revient. Rick Campbell est un des candidats, c'est ça. Lui, c'en est un qui est maintenant disponible, mais il y a d'autres équipes qui vont chercher des entraîneurs. Est-ce qu'un Danny Machocha va revenir? Peut-être. Je pense qu'Ottawa est intéressé à lui, mais il va falloir ouvrir le portefeuille dans ce cas-là aussi, parce que Danny, je pense qu'il est très bien traité à Montréal avec l'université. Ouais. Fait que ça va être une entre-saison intéressante là-dessus, mais si j'avais à mettre un vieux 2$, là, je dirais que Kerry Jones, c'est à Montréal qu'on va le voir l'année prochaine. Rick Campbell avec le fils de Hugh Campbell, c'est naturel à Edmonton, en terminant? Ben, c'est sûr que si on décidait de se départir de Jason Moss du côté des Esquimaux, probablement que Campbell, ce serait un des candidats. Il a été entraîneur ici pendant plusieurs années. Donc, ce serait un retour pour lui, un peu l'enfant prodigue qui reviendrait à Edmonton, mais tout va dépendre de la performance des Esquimaux et de Jason Moss dimanche prochain. Un dernier point, on parle d'une équipe de soccer à Québec. Il y a des rumeurs qui circulent. C'est dans la Ligue canadienne de soccer que c'était la première année de la Ligue canadienne de soccer. Il n'y avait pas l'équipe au Québec. Je sais que, parce qu'on est amis Facebook, on est amis sur les médias sociaux, je sais que tu as couvert la finale parce qu'il y avait une équipe de Calgary qui était là. À quoi ça ressemble, cette Ligue canadienne de soccer-là? Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'il y en a déjà une Ligue canadienne. Il y avait une équipe à Montréal qui s'appelait le Supra. Est-ce que c'est une Ligue qui est chapeautée par Soccer Canada? Comment ça marche, en fait? J'ai pas tous les détails. Je pense que Soccer Canada est impliqué dans ça, mais c'est une Ligue professionnelle qui a impressionné plusieurs personnes cette année. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont déjà été brûlés, ont dit on va regarder, on va voir comment ça se passe. Puis Après, on décidera. Je pense que tant les observateurs que même des joueurs à qui j'ai parlé ont trouvé que c'était une ligue qui était très sérieuse. Le niveau de jeu était au-delà des attentes. On a eu du très bon soccer. Il y a d'excellents joueurs qui vont là, des joueurs qui se font un nom. Beaucoup de jeunes. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des jeunes qui sont pas là pour longtemps. Ça, c'est plus difficile pour une concession qui veut bâtir quelque chose là. Mais on a des joueurs qui vont devenir éventuellement peut-être des vedettes en Europe ou même au sein de la MLS. Beaucoup de joueurs locaux à Edmonton, ça a été, je pense que la moitié des joueurs, c'était des joueurs qui ont été formés à Edmonton. Donc ça, c'est très encourageant pour les programmes locaux. Il y a une entente avec les universités où il y a un repêchage universitaire qui a lieu et on doit faire jouer là dans les. On doit toujours avoir des joueurs issus des universités dans notre formation. Donc, je pense que c'est une bonne première année pour cette ligue-là. Il y a du travail à faire, notamment au niveau des horaires. Là. Je pense qu'à Hamilton, on relatait qu'à un moment donné, on a joué 3 matchs en 8 soirs. C'est quelque chose qui est assez difficile au soccer. Là. C'est peut-être plus facile au soccer qu'au football, mais 3 matchs en 8 soirs, puis après ça, on est quelque chose comme 16 jours sans jouer. Donc, il faut établir un rythme. Il y a les voyages, c'est plus difficile. C'est pas une ligue qui a encore beaucoup d'argent. Donc, les déplacements sont pas toujours évidents. Mais il y a de la place pour une expansion. On veut pas aller trop vite. Ce que le commissaire a dit, c'est que oui, il y avait beaucoup de gens intéressés. Toi, tu parles de Québec. J'ai entendu parler d'un peu de Sherbrooke. Saskatoon, Regina seraient des marchés intéressés aussi. Ottawa, maintenant qu'il n'y a plus d'équipe, le Fury pourrait se joindre à cette ligue-là. Et ça, je pense que c'est probablement peut-être la première chose qui va se passer. On avait 7 équipes cette année. Je doute qu'on va monter à plus que 10. Est-ce qu'on va vraiment vouloir se rendre à 10 dès la deuxième saison? Peut-être. 5 dans l'Est, 5 dans l'Ouest. Ça limiterait peut-être les voyages. On pourrait faire un calendrier un peu différent. Mais c'est prometteur. Moi, je pense que c'est une ligue qui a pas eu des trop grandes ambitions pour commencer. Puis qui finalement a connu du succès. Les foules, ça ressemble à quoi? 3-4 000 par match à peu près? Ouais, je sais qu'à Edmonton, Calgary, ça ressemblait à ça. Calgary, c'était pas mal toujours rempli. On va construire un nouveau stand d'ailleurs. À Calgary pour accueillir l'équipe. C'est un des points. Il faut avoir un stade. Je connais pas les prérequis exacts, là, mais je sais qu'il faut avoir un stade pour avant d'avoir une équipe. Il faut trouver un bon endroit où jouer. Donc, l'intérêt est là dans plusieurs marchés. On a créé des choses à Winnipeg. Je pense qu'on a créé une nouvelle culture du soccer à Hamilton en remportant le championnat aussi. Donc, on sort un peu des grands marchés. Et on fait pas de compétition à la MLS. Puis on a montré, pour montrer comment c'était bien le calibre de jeu, l'équipe de Calgary a battu les Whitecaps de Vancouver dans le championnat canadien. Là. Et Vancouver n'a pas juste habillé des réservistes, a quand même fait confiance à plusieurs de ses joueurs partants. Il y en a qui vont dire, OK, Vancouver, c'était pas la meilleure équipe. C'est vrai, c'est pas la meilleure équipe dans la MLS. Ils ont eu beaucoup de difficultés cette année. N'empêche que les masses salariales des deux équipes sont complètement différentes. Donc Calgary a éliminé Vancouver et a tenu son bout contre Montréal. Contre l'Impact en 2 matchs. Donc, ça montre que c'est du soccer de qualité, qu'il y a un bon potentiel là. Puis je pense que l'an prochain, il y a encore plus de joueurs qui vont être intéressés à aller signer un contrat d'un an là pour montrer ce qu'ils peuvent faire pour éventuellement aller jouer dans une ligue où ils vont faire un peu plus d'argent. Il y a plusieurs matchs à CBC aussi. J'ai vu plusieurs matchs à CBC de cette ligue-là aussi. Oui, il y a un bon partenariat au niveau de la diffusion. Tous les matchs sont disponibles sur Internet aussi. Ouais. Donc, les vrais maniaques peuvent regarder tous les matchs aussi. Moi, je pense que c'est prometteur. Souvent, le problème, c'est qu'on voit trop grand en commençant. Et ça n'a pas été le cas de cette ligue-là qui a vu des objectifs réels pour commencer, des choses atteignables. Puis, je pense qu'on peut dire mission accomplie pour la première année. Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton, un gros merci. On s'en reparle bientôt. Ça fait plaisir, Danny. Patrick Henry de Radio-Canada Edmonton.